Souvenir. Déjà la nuit s'avance, et du sombre orient ses voiles par degrés dans les airs se déploient. Sommeil, doux abandon, image du néant, des mots de l'existence, heureux délassement, tranquille oubli des soins où les hommes se noient. Et vous qui nous rendez à nos plaisirs passés, touchante illusion, déesse des mensonges, venez dans mon asile, et sous mes yeux lassés, secouez les pavots et les aimables songes. Voici l'heure où, trompant les surveillants jaloux, je pressois dans mes bras ma maîtresse timide. Voici l'alcôve sombre où, d'une aile rapide, l'essaim des voluptés voloit au rendez-vous. Voici le lit commode où l'heureuse licence remplaçoit par degrés l'amourante pudeur. Importune vertu, fable de notre enfance, et toi, vain préjugé, fantôme de l'honneur, combien peu votre voix se fait entendre au cœur. La nature aisément vous réduit au silence. Et vous vous dissipez au flambeau de l'amour, comme un léger brouillard au premier feu du jour. Moment délicieux où nos baisers de flamme, mollement égarés, se cherchent pour s'unir. Où de douces fureurs, s'emparant de notre âme, laissent un libre cours aux bizarres désirs. Moment plus enchanteur, mais prompt à disparoître, où l'esprit échauffé, les sens et tout notre être semblent se concentrer pour hâter le plaisir. Vous portez avec vous trop de fougue et d'ivresse. Vous fatiguez mon cœur qui ne peut vous saisir, et vous fuyez surtout avec trop de vitesse. Hélas, on vous regrette avant de vous sentir. Mais non, l'instant qui suit est bien plus doux encore. Un long calme succède au tumulte des sens. Le feu qui nous brûloie par degrés s'évapore. La volupté survit aux pénibles élans. Sur sa félicité l'âme appuie en silence, et la réflexion, fixant la jouissance, s'amuse à lui prêter un charme plus flatteur. Amour, à ses plaisirs l'effort de ta puissance ne sourroie ajouter qu'un peu plus de lenteur.